Dernièrement, j'ai vu un commentaire, ben des commentaires, un qui demandait pourquoi je chialais pour les affaires de mes affaires, des choses comme ça. Bon, si vous regardez ça là, au niveau des lois, entre autres physique, puis, si vous regardez ça au niveau magnétique, électrique, ce qui est, si vous le regardez comme faux, ce qui est entre ciel et terre peut accumuler une charge, mais dès qu'il va toucher terre, ben, il va se décharger dans le sol. Hein? Anciennement, les enfers étaient topologiquement des mondes souterrains. Il y avait quoi d'autre, donc, aussi? Ah oui, l'astral. Si l'astral n'est pas intelligent, comment il complote? Mais l'affaire, c'est pas que l'astral n'est pas intelligent, c'est qu'il n'est pas conscient. Ou que dans son mandat de mise à l'épreuve de l'homme, ou de formation, si vous voulez, l'astral, il corrompu, si on peut dire. Il est devenu en grande partie une force ennemie de l'homme, une association, un conglomérat de forces anti-homme avec un agenda occulte, travaillé occultement, parasitairement dans l'inconscience de l'homme. L'affaire, c'est pas que l'astral, c'est pas intelligent. C'est qu'il est inconscient, il travaille en grande partie pour lui-même, à l'insu des humains, avec l'énergie puis le psychisme de l'humain. L'astral, c'est hiérarchisé aussi. Les gens qui ont affaire dans leur vie à des gugus, à des petites affaires, bon, ça, c'est de la faune, si on peut dire. Si on veut, c'est pas comme les intelligences sataniques de l'astral, les principautés du royaume des ténèbres. Ce qui était appelé comme ça, les affaires comme la fascination des masses ou d'autres types de charismes qui peuvent être accordés par des forces de même, bon, ben ça, c'est pas commun. Il reste que c'est pas commun. L'astral, c'est vaste. Les forces astrales, c'est vaste. Comme les intelligences des planètes, les influences aussi, parce que c'est pas pareil. L'astral, c'est pas juste les mondes souterrains, c'est le ciel, la terre aussi. C'est supposé être vu même dans la vie de tous les jours, mais là je parle au niveau la petite faune. La petite faune, c'est la densité de l'influence ou le type de support qui change. C'est mal vu de parler de ça, même surtout ceux qui s'occupent de ça, même. De toute façon, rendu là, vaut mieux même pas en parler. À part pour des exemples pratiques, trop penser à ces choses-là, c'est déjà perdre la raison. C'est que oui, il y a de la coordination à certains niveaux, mais dans leur vie, la plupart des gens n'auront jamais affaire à des hauts niveaux de manifestation. Être au courant de tous les types d'expériences, c'est inutile, c'est juste troublant, comme une fascination malsaine, inutile, peut-être même nuisible. Encore aujourd'hui, il y a du monde qui porte des costumes de cérémonie dans des salles avec des inscriptions kabbalistiques sur le sol qui s'adonnent à des cérémonies où ils s'humilient devant des forces qui les dominent, parce que ces simagrées-là, ces affaires-là, c'est une façon d'humilier, d'avilir l'humain pour le dominer. Que ce soit ce que certains appellent la théurgie, ou que ce soit ce que certains appellent la gouécie ou des formes de nécromancie, ou peu importe là, le genre de cérémonie, il y a encore des gens qui s'adonnent à ça, puis c'est un pacte au fond, quelque part, une trahison envers eux-mêmes. Comme les gens fascinés par le spiritisme, c'est du haut degré de manipulation. Si ce qui se tient en pleine lumière, c'est souvent sous la loi du mensonge, imaginez ce qui se tient dans l'ombre. Hein? Regardez la nature animale. La nature animale, par exemple, avec ses proies, ses prédateurs, sa hiérarchie, sa dureté de loi de survie. Puis regardez la nature humaine avec ses rapports sociaux, avec ses proies, ses prédateurs, puis la dureté de sa loi de survie. Pensez-vous que dans l'invisible, c'est pas comme ça? Que dans le reste de la nature, c'est pas comme ça? Jusque dans ce qui est de plus subtil, il y a des gens, ils font pas confiance aux banques, au gouvernement, mais ils font confiance à des voyantes, à des tirages de cartes, des choses en rêve, des horoscopes alouettes, les anges, les extraterrestres, les saints. Avoir confiance, être en confiance, puis avoir confiance en quelque chose, c'est pas pareil. J'ai confiance, mais j'ai confiance en rien. Savoir quelque chose, savoir que vous savez, c'est être en confiance, puis c'est lié à votre conscience. Dès qu'il y a des cérémonies à gogo avec des costumes, que vous voyez une volonté de se servir de l'ambiance, ça sent pas bon. Puis la plupart des gens le savent, au fond. Mais la recherche, le besoin de l'humain, le porte à se faire avoir, le porte à accepter. Quelque part, à fermer les yeux sur une partie de sa conscience pour rester confortable. Il y en a, ils veulent pas s'humilier devant les géants, les puissants de notre temps. Mais ils sont prêts à s'humilier devant des nains, des nabos, de la vermine dans l'invisible. Dans notre monde, il y en a qui ont des puces. Les puces sont elles-mêmes parasitées. Il y a des tics. Hein? Ben, des pensées parasitaires, ça existe. Des influences exogènes, pathogènes, ça existe. Jusque dans le mental, ça peut partir du social. Il y a des individus qui ont réussi socialement, mais qui n'ont pas d'identité. C'est plein. Ceux-là sont très vulnérables aux influences et servent à les propager souvent. L'astral, c'est pas qu'il n'est pas intelligent, c'est que c'est à nous autres d'être intelligents. L'astral doit servir à la construction de l'identité réelle par dégagement, si vous voulez. Puis ça, c'est un processus de conscientisation, de stabilisation, dans le fond, d'un point de gravité, d'un début de conscience intégrale. L'astral, il faut qu'il devienne un stimulant de l'intelligence dans l'homme de plus en plus, comme une réaction immunitaire. Il faut que l'individu soit l'œil dans la tornade astrale. Ce que l'individu sait dans le secret de sa conscience doit servir à le préserver des naufrages du collectif. Si l'individu a la certitude de sa conscience, il aura conscience. Il aura confiance aussi. Pas confiance en quelque chose. À un moment, l'individu doit se sentir trahi par l'invisible, seul et abandonné. Il doit abandonner les chimères de l'enfance de sa conscience. Ça sert à rien de se couper des autres ou du monde. La bêtise ambiante devrait être un stimuli qui engendre de la persévérance puis de la résilience avec du discernement. Plus c'est désajusté, plus ça devient un stimuli d'adaptation. C'est dans le secret de sa conscience que résident les causes des capacités d'adaptation d'un individu présent qui a de la présence. La sensibilité doit être un outil, pas une excuse pour déserter la société. Un développement de la sensibilité implique de développer une capacité de tolérance, pas au sens d'une résilience ou d'une acceptation, mais au sens d'une capacité comment je pourrais dire ça? De continuer de vivre en société, de continuer à côtoyer l'humain sans se heurter d'une façon constante. Ça prend de l'observation, de l'ajustement, du respect, même des fois, pour des gens que vous considérez, qui vous respectent pas quand même. C'est dans le fond avoir de la conscience. La sensibilité, il faut que ça devienne aussi avec de l'endurance. Des fois, c'est d'endurer les autres. Mais avec du discernement, il faut que ce soit ajusté. La conscience réelle, c'est pas une altération de la conscience psychologique. C'est une épuration. C'est-à-dire que la conscience psychologique finit par être identifiée pour ce qu'elle est. une structure de traitement de l'information située dans le mental inférieur. Il ne faut pas non plus aller contre sa sensibilité d'une façon non ajustée. C'est une question de discernement. C'est de voir là où la sensibilité cesse d'être une excuse pour être une raison valable de s'abstenir, de rester en retrait. Le contexte varie. Ce qui est le plus ajusté aussi. Ce qui est le plus ajusté varie. Mais plus vous avez du discernement, moins l'expérimental est censé vous affecter au sens des affects de votre émotivité. Être sensible puis être émotif, c'est pas pareil. Les autres, c'est pas obligé d'être l'enfer. Si vous les voyez avec discernement, sensibilité, vous allez les aimer pareil. Vous allez les aimer pareil. Le cœur sur la main, c'est bien beau, mais avec une tête sur les épaules. Pas au sens d'un esprit hyper rationnel, au sens d'avoir du discernement, les yeux en face des trous. L'émotivité, c'est pas au niveau du discernement, souvent, on dit que l'amour rend aveugle. Pourquoi vous pensez? Si on regarde les trois principes, amour, intelligence, volonté, l'amour réel, c'est quoi l'amour réel? Il faut que ce soit une manifestation de l'intelligence à travers la volonté. L'intelligence engendre la conscience avec l'amour, le respect, avec la volonté, la bienveillance, mais ça prend du discernement. Ceux qui vont avoir intégré seront ceux qui seront, qu'on appelle ceux qui vont avoir intégré, mais en regardant d'une façon non altérée ce qu'on appelle l'humanité, auront été pétrifiés. Il va falloir que ce qui va être l'humanité, qu'elle soit préservée, qu'elle soit pétrifiée dans le diamant d'un ego épuré, de sa psychologie. Ceux dont l'essence de l'humanité pure aura été galvanisée, rendue inaltérable par le feu de la conscience, on peut dire, de l'esprit, ça va être les grands enseignants de demain. Ce seront ces êtres qui auront beaucoup souffert pour intégrer puis conserver leur humanité. Ça a toujours été comme ça. D'un effondrement à l'autre, c'est l'histoire du monde.